Bienvenue sur Radio Guémozo. Claude, Serge, Georges, Didier, Gilbert et Bernard, les célibataires, papa ou momo. Un groupe de beaux garçons, ce qu'il y avait de mieux à l'époque pour entamer avec vous cette première heure de Salut les 60. Papa, papa, papa, mama, mama, papa, mama, papa, mama, mama, papa, mama, mama, mama, papa, mama, mama. C'est un cri d'amour et de joie. Et si tôt que j'entends cette voix, je ne sais pas ce qui passe en moi. Mama, je ne sais pas, mama. Je n'ai qu'une joie, qu'un désir. C'était le voir pour toujours revenir. Car si tôt que j'entends cet air-là, papa, alors tu es là, baba. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Trusting someone

vibrations. She's giving me the excitations. I'm thinking of good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. She's giving me the excitations. Good vibrations. Somehow closer now. Softly smile, I know she must be kind. In her eyes, she goes with me to a blossom moon. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Je ne peux l'acheter, non, non, non, je ne peux l'acheter, non, je peux tout te donner, l'ami, si tu peux me le trouver. Je l'ai cherché souvent, l'ami, cet amour dont j'ai rêvé. Je donnerai tout, tout mon ami, oui tout pour me l'acheter. Je donnerai tout pour l'avoir, le bonheur n'a pas de prix. Pour un grand amour sans histoire, je donnerai tout en vie. Tout mon ami, crois-moi si je le trouvais, je ne peux l'acheter. Mon pauvre cœur n'en peut plus. Je donnerai tout, tout mon ami, oui tout pour me l'acheter. Je ne peux l'acheter, non, Les Beatles, Can't Buy Me Love, la version originale est de loin, à mon avis, la meilleure par rapport aux Lionceaux, qui m'ont pourtant, en 1964, agréablement surpris avec cette adaptation. Adaptation version originale, et bien sûr Radio Game Ozo, c'est votre deuxième choix. Can't buy me love. Cause I don't care too much for money, but money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love, can buy me love. Everybody tells me so. I don't care too much for money. Money can buy me love. Je ne peux l'acheter, l'une des versions françaises les mieux réussies du Can't Buy Me Love des Beatles. Vous avez fait votre choix. Eh bien, c'est parfait. Il est né le 23 avril 1936 dans l'État du Texas. Victime d'une crise cardiaque, il nous quittera le 6 décembre 1988. D'ailleurs, Elvis Presley, peu de temps avant sa mort, déclarait Roy Orbison est le plus grand chanteur au monde. Roy Orbison sur Radio Game Ozo, Lana. Hey, hey. avec Gérard. C'est roquement bon. Retour à l'année 66 avec la blonde Sylvie Vartan dont les cheveux se sont sagement allongés. En ce mois de juillet 1966, elle nous propose son nouveau 45 tours dont le titre principal est Mr. John B., une balade folk rock, arrangement d'un vieux classique américain que les Beach Boys viennent de porter en tête des hit parades. Trois ans, ce n'est pas rien. Es-tu fier de toi, Mr. John B? Mais qui cherches-tu sur le quai là-bas? Oh, on n'attend pas un garçon comme toi. Pour toi, pas de carillonneur, pas de collier de fleurs. Ici ce n'est pas Tahiti, hey, Mr. John B. Mais qui cherches-tu sur le quai là-bas? On n'attend pas un garçon comme toi. Ton sac à l'air à porter, tu t'es bien débrouillé, mais as-tu gardé tes mains propres, dit Mr. John B. Mais qui cherches-tu sur le quai là-bas? Oh, on n'attend pas un garçon comme toi. La rose des vents, tu l'as effrayé. Couler, l'argent a passé. Tu dis je t'aime dans toutes les langues, oh, Mr. John B. Mr. John B. Mais qui cherches-tu sur le quai là-bas? Mr. John B. On n'attend pas un garçon comme toi. Aujourd'hui ton bateau revient. Alors te souviens qu'une fille t'attendait d'ici, Mr. John B. Pourtant sur le quai, regarde-les là. Un garçon comme toi ne la mérite pas. Aujourd'hui ton bateau revient, alors tu te souviens qu'une fille t'a...

mais jamais, jamais pour eux. Il en serait peut-être autrement si les parents et si les ne sont plus des enfants. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche? La fleurette au fond des bois. Vraiment, ça ne les intéresse pas. Dites, hein? Qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche? Qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche? Qu'est-ce qu'ils vont faire dimanche? Sur Radio Gémozo, retrouvez toute l'émotion des chansons des années 60. Je suis seul avec ma peine quand tu n'es pas là. Et je ne suis plus le même quand tu n'es pas là. Mais demain je pourrai te dire combien je t'aime. Oh oui, combien. Enfin je pourrai te dire te voilà. Et je crierai de loin en te voyant. Puis je crierai seul au milieu des gens. Tant pis s'ils me croient fou. Que m'importe après tout. Tu seras là. Qu'on y gagnerait. Hey, hey, hey. seul, je suis son ami. Tranquillise-toi, j'ai moi aussi été joué. Un numéro 3, nous la vie. Tant pis pour nous, tant mieux pour lui. Rock and Twist sur Radio Gémozo. Les voix, le son qu'on n'oublie pas. We'll be right back.

douleur. The Right Time, c'était les Animals. Il voulait chanter du rock, il sera le prince du Madison. Billy Bridge sur Radio Guémozo, ça c'est le Madison. Écoutez-moi, je vais vous apprendre un nouveau pas. C'est une danse qui vous plaira, j'en suis certain, croyez-moi. Madison, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Quelques pas sur le côté, puis ensuite vous reculez. Un grand thème vous dessinez, voilà maintenant c'est parfait. Madison, c'est ça. Ouais, ouais. Madison, pour bien t'amuser, c'est pas compliqué. T'as qu'à faire en somme, ne danser que le Madison, car le rythme est si prenant, merveilleux en sorcelant. Que tu ne peux résister, tu ne peux que succomber. Madison, c'est ça. Ouais, ouais, Madison. Tu ne peux résister, tu ne peux que succomber. Madison, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Voilà, merci de votre fidélité. Merci surtout d'être resté en notre compagnie. On se retrouve dimanche tout d'abord entre 10h et midi pour la rediffusion de l'émission d'aujourd'hui. Et si vous le voulez bien, jeudi prochain dès 14h pour une nouvelle émission de Salut les 60. Excellente journée, excellente semaine sur Radio Guémozo. We'll be right back. everybody. We'd like to give you a big hand. How about a big hand for the master himself? That's fine. That's fine. Two silhouettes on the shade, all of our days. Two silhouettes on the shade. Oh.